À partir de là, est-ce que cette intervention va faire progresser la paix? Qui peut le croire? Chaque personne raisonnable ici doit penser que demain, c'est peut-être sa maison qui sera bombardée. Nous, on veut pas aller au service militaire et donner nos âmes. Oh, s'il vous plaît, déposez vos armes, raisonnez vos hommes, dites-leur de rester zen, immobilisés dans leur zone où c'est comme ça qu'on les aime. On rêve d'un autre monde, puisque les gens disjonctent. Disons qu'ils mélangent guerre et religion, et si j'appelle power comme Austin, Yaro, illico, presto, je déclare la paix en Palestine. Moi je m'en fous des gens, j'ai choisi mon camp, je peux le crier même. Je suis plus Al Jazeera qu'au CNN. On compte plus les morts, de Bagdad jusqu'à la Tchétchénie. Ouais, ouais. Celui qui a inventé la bombe est con avant d'être génie. Il faut sauver Ryan, mais pas oublier le soldat Kader. Ouais, y'a trop d'injustice sur la terre. Je rêve d'un autre monde puisque la paix ici n'existe guère. Ouais, impossible que l'on puisse se taire. Guerre, armada de bombes sur la terre entière qui creuse des tombes puisque la paix n'existe guère. Et face à ces décombres, je rêve c'est clair d'un autre monde puisque la paix n'existe guère. Armada de bombes sur la terre entière qui creuse des tombes puisque la paix n'existe guère. Et face à ces décombres, je rêve c'est clair d'un autre monde puisque la paix n'existe guère. Effroi a pris la place du calme, l'arme en somme. On va pas dire que les soldats chôment. Guerre tue des civils, vite sont les casernes. Paix comme en Irak, tue des militaires à terme. Entre bien et mal, on jongle donc. Saison d'envoyer ses contingents. Môme décimé, infirme par les mines. Chef d'état très bas dans mon estime. Klesmo, on compte tant de chrysanthèmes. Président des States, c'est obscène. 12 apôtres salopards pris dans des chars chenilles. Immobilisent des vies alors que la leur chemine. Fils qui tombe, mère qui s'atterre. Fausse menace orientale, les puissants matières. Au credo belliqueux, les dirigeants adhèrent. Monde hémophile dans de bombes éclatent. Guerre, armada de bombes sur la terre entière qui creuse des tombes puisque la paix n'existe guère. Et face à ces décombres, je rêve c'est clair d'un autre monde puisque la paix n'existe guère. Armada de bombes sur la terre entière qui creuse des tombes puisque la paix n'existe guère. Et face à ces décombres, je rêve c'est clair d'un autre monde puisque la paix n'existe guère. On vous parle d'attentats de la Tunisie au Maroc, de B-52 de Tomahawk, de tortionnaires qui pissent sur l'homme. Après ça ils veulent qu'on soit peace and love. On vous parle d'horreur, de son ramassis. À l'école buissonnière est parti le messie. Or noir a brûlé des vies dans l'indécence. Terminator est de retour à la maison blanche. Nombre de décès découlent d'un tir. Et pourquoi s'en aller quand ce n'est pas l'heure de partir? Bombardement massif, les civils sont les proies. Cache d'armes nous demande plus d'y croire. Nous demande pas de nous taire. On n'a pas ni l'armée, qu'elle soit de mer ou de terre. Et chaque fois on dit celle-là c'est la terre. On arrête d'être pessimiste le jour où la paix s'immisce dans la guerre. Guerre, armada de bombes sur la terre entière qui creuse des tombes puisque la paix n'existe guère. Et face à ces décombres, je rêve c'est clair d'un autre monde puisque la paix n'existe guère. Armada de bombes sur la terre entière qui creuse des tombes puisque la paix n'existe guère. Et face à ces décombres, je rêve c'est clair d'un autre monde puisque la paix n'existe guère.